Allez, Bibouche, on lance le générique. Oui, Bibouchka, attends, j'accorde mon accordéon. D'accord. Oui. C'est joli. Fa dièse. Fa dièse. Oui. Ah. La mineur. Ré mineur. Ré mineur. Ré mineur. Oui. Da. Da. Oui. Oui. Pas mal, pas mal. Je suis prêt. D'avoir. Oh, allez. Dis, Bibouchka, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? La même chose que tous les mois, Bibouche, le podcast. Bibouche et Bibouchka, Bibouchka et Bibouche. La tête, ils se prennent pas, surtout pour la polka. Rendez-vous très sympa, chez Bibouche, Bibouchka. Chez Bibouche, Bibouche et Bibouchka. Ha, ha, ha. Vous ne l'attendiez pas, et pourtant il est là. Et tout ça sans vodka. C'est les plus à Hey! Hey! Hey! Hey! Bonjour, Bibouche! Bonjour, Bibouchka! Ah, ça fait plaisir de se retrouver pour l'épisode! J'ai très hâte de parler avec cet accent tout le long de cet épisode. Psycho! Polka! Numéro 4, parce qu'on va pas parler comme ça tout le long. C'est hyper fatigant. C'est bon, c'est bon. On peut reparler normalement maintenant. Oui, merci. Oui. Ah, ça fait du bien. Parce que moi, n'avoir un peu mal de venir de Russie. Mais oui, donc on est là pour l'épisode 4 de Psycho. De Psycho. Psycho Polka. Psycho Polka. Tout ça est parti d'un malentendu. Ah ouais, tu Tout ça est parti de deux phrases que tu as lâchées. Exactement, dans le ouais. dernier épisode. Ouais, on est parti ouais, ouais. dans un délire polka. Et puis, pas mal de gens nous ont suivis. Et puis, ça a pris un engouement tel que... Ben... J'ai obligé certaines personnes à nous suivre dans mon délire. Mais je suis pas mécontent de mon petit truc. Ouais, bah, puis... écoute. Et ben du coup, on fait un épisode polka. Mais alors, attention. Hein. Polka, oui. Mais polka, polka punk... Eh ben, c'est justement ça le voilà. truc. C'est qu'en attends, fait, c'est parti d'une blague. Moi, j'ai lancé ça comme un con en disant, on va le faire. Mais après, je me suis dit... Putain, faut trouver de la polka maintenant. Et en quoi. Fait, on a cherché. Et en fait, en faisant des recherches, j'ai trouvé des trucs polka super cool. Et mais carrément, et on va vous trouver une petite playlist, franchement, mais pile et poil. Et tu parlais de punk avant, justement, on est resté ouais. dans l'esprit de garage punk, tout peut-être à un fait. Peu même rockab des fois. Et, exactement. Et on a, trouvé des on a perles. Gardé cet esprit psycho, mm-hmm. voilà. Et on a même trouvé des groupes bah, de, qui font du folklore, en fait, qui sont des pays de l'Est, exactement, tout à fait, ouais. mais qui font aussi du ska, ska punk polka. Je vous parlerai d'un groupe tout à l'heure qui fait vraiment du ska punk polka. Carrément. Donc c'est vraiment hyper agréable et en fait bah, la polka c'est pas que de la musique traditionnelle telle qu'on pourrait l'entendre quoi. Puis toi ça te fait plaisir, tu viens des pays de l'Est, oui. t'as grandi, ah, t'as, ouais, t'as grandi en Allemagne donc donc c'est cool. Attends, avant vas-y, que vas-y, avant qu'on commence. Tic, tic, tic. Ouais. On ne peut pas commencer cette émission sans quelque chose de bien précis. Un... Quand on parle polka à tous les fans, à tous les geeks que l'on connaît, mm-hmm. tout le monde nous cite ce petit extrait. Et je veux juste te faire écouter un petit extrait. Alors, il s'agit d'un petit extrait donc, de M. Gus Polonski, ouais. qui s'appelle le roi de la polka. Et il se promène avec son orchestre, les Kenoshakikas. Donc, le Kenoshakikas, ils sont 7, donc c'est un membre, ils sont 8. Mm-hmm. Ils ont quand même vendu 623 albums à Shebrigan, parce que là-bas, ils s'y connaissent. Donc, je te laisse mettre un petit extrait très goûtu de Gus Polonski, le roi de la polka. Pas de souci. Permettez-moi de me présenter, Gus Polonski. Enchanté. Je suis le roi de la polka. Je suis avec mon orchestre. Les Kenoshakikas. Salut. Vous bonjour. Ne me connaissez pas. Oh, ce n'est rien, je ne peux pas vous en vouloir pour ça. On a fait des trucs bien il y a quelque temps. Vous avez dû entendre polka, polka, polka. Polka, polka, polka. Non. La glorieuse polka. Amaouchi polka. La polka des anges. Embrasse-moi polka. Polka twist. Ah, là, là. Ce sont des chansons? Ouais. En réalité, on pourrait même dire que c'est des tubes. On a fait un sacré tabac avec ça. On a vendu 623 albums déjà. À Chicago? Non, à Shebrigan. Vraiment, ça a marché. C'est des connaisseurs tant mieux, là-bas. Mais si on revenait à moi? Oh oui, c'est vrai, pardonnez-moi. Notre avion a été annulé. On va donc devoir voyager par la route. Donc voilà, vous avez reconnu le petit extrait, forcément, qui vient de « Maman, j'ai raté l'avion mmh. ». C'est vrai que quand on a lancé cette histoire de l'épisode polka, tout le monde nous a parlé du roi de la polka, évidemment. Polka twist, mmh. polka mon amour. Polka, polka, polka. Ouais. Ah. J'ai jamais prononcé autant le mot polka que depuis 2 semaines, j'en ai marre. Et en parlant de polka. Qu'est-ce que la polka ? J'avais une petite précision à faire parce que j'ai lancé ça comme ça. Alors, en fait, la polka, c'est pas un genre musical. À l'origine, c'est une danse un peu comme le tango, par exemple, on pourrait dire. En fait, quand on parle polka, on parle de la musique gypsy, mm-hmm. des pays de l'Est comme la Russie, la Pologne, la République tchèque et l'Autriche. L'Autriche, le pays, hein, pas l'animal. Oui, tout à fait. Non, on va arrêter avec les blagues parce que c'est fini en podcast après. Donc, on va peut-être se calmer avec les blagounettes. D'accord ? Voilà. D'accord, le bibouche. On va essayer de faire un épisode pas trop long, ça serait bien. Oui, ce serait bien, ce serait bien. Qu'est-ce que tu penses de passer au premier morceau ? Allez, on y va. Ouais ? Ouais. Ok, donc je crois que c'est à moi, il me semble. Oui, c'est toi. je vais vous passer un petit morceau d'un groupe qui s'appelle Gogol Bordello. D'accord. Gogol Bordello, c'est un groupe de gypsy punk américain originaire de New York et formé en 1999. D'accord. En gros, je peux résumer ça entre la musique tzigane des Balkans et le punk new-yorkais. D'accord. Donc, on a vraiment un mélange de deux styles aussi. C'est ça. Ouais. Il faut savoir que la plupart des musiciens du groupe sont des immigrants d'Europe de l'Est, donc de Russie et d'Ukraine, qui ont immigré à New York. Donc, je te propose d'écouter le morceau Immigrant Punk de Gogol Bordello sur l'album Gypsy Punk en 2005. Ok, on y va. C'est parti. Bonne écoute. Immigrant punk, pow! Upon arriving to the melting pot, I get penciled in as a goddamn white. Now that I am categorized, officer gets me naturalized. Immigrant punk, immigrant, immigrant, immigrant punk. Now that I'm living up in God knows where, sometimes it gets hard without a friend. But as I am lurking around, I see another immigrant punk. There is a little punk mafia everywhere you go. She is good to me and I'm good to her. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Despite the living in the USA, I'm still holding up in all my ways. I got a friend, we got a band, we still make sound. You can't stand without banging on some big old pop without getting out of bed. But I'm relaxed, I'm just lurking around. Hope I see another immigrant punk. There is a little punk that's my VIA. Everywhere you go, she is good to me and I'm good to her. Lurking around, I got a method and you don't. You got a dictionary kicking around. Look up the immigrant, immigrant, immigrant punk. Punk, immigrant punk, immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant pow. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. C'est pas mal du tout, ça, Bibou. Hein. Bah ouais, c'était cool. Ouais. Et ouais. On dirait pas que ça ressemble à de la polka, mais c'est vrai que quand on a fait nos recherches pour toute la playlist qu'on a là, à chaque fois on a cherché la musique avec le mot polka derrière. Alors c'est peut-être, j'avoue, c'est peut-être le morceau qui fait un peu moins polka dans toute la playlist, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Vous inquiétez, vous n'aurez quand même pas de musique traditionnelle, calmez-vous. Tu sais ce qu'ils attendent ? Oui. De l'accordéon. Yeah, oui. Ta bouche, ça c'est beau ça. Attends. Quoi ? Ça clignote. Encore ? Ah ouais, comme à Noël, ça recommence. Mais de toute façon, ça n'a pas arrêté là, les dernières semaines depuis qu'on a parlé de la polka. Le répondeur s'est remis en route. Limite intrusif, mais bon, après, c'est comme ça. C'est le... Ça te dit qu'on écoute le premier message ? Pas de souci. Allez, on va écouter le premier message. Ok. J'espère que c'est quelqu'un de bien. Oui. Allô ? Ça marche ce truc ? Bibou ? Bibounette, bonjour, c'est Jean-Louis. Je vous appelle du Morbihan. Je voulais vous dire que je soutiens totalement votre décision de ne pas parler de polka. La polka est un style musical, une danse folklorique qui nous vient d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, qui nous vient de l'Orient, hein, de Bohème, une musique de bohémien. Et je pense qu'elle n'a rien à faire dans notre belle Bretagne. Et je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il ne faut pas en parler, n'est-ce pas ? Personnellement, j'ai cru comprendre que vous aimiez la musique punk. Personnellement, ce n'est pas un style musical que j'affectionne vraiment. Néanmoins, je voudrais vous suggérer quelques petites formations qui ont attiré mon intérêt d'un point de vue concernant l'intégrité de leurs paroles. Un groupe vosgien que j'aime beaucoup, Légion 88, et également un groupe qui s'appelle Screwdriver, des bricoleurs, probablement. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, n'est-ce pas ? C'était Jean-Louis de la Trinité. Merci, au revoir. Waouh. Ok, je te laisse gérer ça si ça te dérange pas, c'est ton segment là. Waouh, ouais. Wow. Alors déjà merci Jean-Louis Morbihan, du Morbihan, ouais. Donc déjà merci d'avoir pris la peine de nous envoyer un message. Un peu étonnant comme message, mais... Ouais. On est pour la liberté d'expression, donc on va laisser ce message être diffusé. Mm-hmm. Par contre, je tiens à rectifier Jean-Louis. On n'a jamais dit qu'on ne voulait pas passer de polka. Oui, alors ce monsieur a du mal comprendre. Oui, en fait, justement, comprendre, on veut passer de la polka. Au contraire, Jean-Louis, on aime tout. On est des punks, on est dans la tolérance, on est dans l'altruisme, on est dans la bienveillance, on est dans la liberté. Et vraiment, pour nous, on est dans l'égalité. Peut-être pas Jean-Louis, décidément. Ah. Il a une voix qui me fait penser à ce monsieur qui est parti à la retraite. C'est sa fille C'est pas Sardou. Non, on est vraiment... C'est pas la politique. Mais ça va... Ah, bon, bref, ça va me revenir. Non, ça va pas me revenir non plus. Ouais. Ah, c'est pas... Bon, de toute façon, ça devait pas être important. En tout cas, merci. Merci quand même, merci beaucoup. Ouais. C'est... Ouais, ouais, ouais. Enfin, voilà. Maintenant, c'est là, tant pis. Radio Libre. Oui, Radio Libre. Voilà. Et ouais. Bah, écoutez, moi, j'ai juste envie de... On va passer à autre chose. Allez. Et moi, je nous ai trouvé un petit groupe super sympa qui s'appelle Los Colorados. D'accord. Le Colorado. Los Colorados. Okay. Donc, c'est un groupe ukrainien de rock polka folk. Ça y est, vous l'avez, ce mot polka. Ils se sont formés en 2006 à Ternopil. Ils jouent leurs chansons, mais ils font aussi beaucoup de reprises populaires et folkloriques. Ils sont quatre et ils jouent de la guitare, du baïan et de la guitare basse et de la batterie. Le pic de leur popularité du groupe s'est produit lorsque leur version de la chanson de Katy Perry a été diffusée dans The Ellen DeGeneres Show. Et sur YouTube en 2009, le titre Hot and Cold a été vu plus de 3 millions de fois. Et Katy Perry elle-même a décrit cette version comme transpirante. Non, pas transpirante. Inspirante, excusez-moi, okay. Mais transpirante d'imagination. Parce que vous allez, enfin, si vous regardez leurs vidéos en fait sur YouTube, c'est vrai que c'est un groupe assez dans la. Ils m'ont fait penser à Toy Dolls un petit peu. Ah ouais, un peu. Ouais. Ouais. Alors, est-ce que c'est parce qu'il était torse nu ? Je sais pas. Bon bref. Oui, okay. Et donc là, on va s'écouter Du Hast. Alors Du Hast, bien sûr, c'est la chanson de Rammstein, donc c'est encore une reprise. Et Du Hast a battu tous les records avec 5 millions de vues en 2019. Ok. Sur YouTube, et ça vient de l'album Move It. De 2012, et on va écouter Los Colorados Du Hast. Ok, elle est pour toi, Jean-Louis. Ou pas. Yeah. Du hast mich. Et oui, c'était cool, ouais. Mais grave. Ouais, ouais. On retrouve cette ambiance folklorique. Ça y est, on y est. Ça y est, on y est. Il y a de l'accordéon, voilà, il y a du kazoo. Il y a du baïan. On est bien voilà. Là. Et de toute façon, voilà, ils sont vraiment classés en rock, polka, funk. Ah folk. Oui, bah, donc, ça s'entend, c'est... Ouais. Ouais, ouais. Voilà, donc c'est un peu leur marque de fabrique. Et ils font leurs propres chansons, mais c'est beaucoup de reprises ouais, aussi. Ouais. Ouais. En fait, moi, je ne suis pas un gros fan de Rammstein et je préfère largement cette version. Bah en fait. Oui, c'est sûr. Ouais. Bon, moi, j'adore Rammstein et moi aussi, étant fan, bah, par contre, j'adore Rammstein. Mais t'as grandi en Bavière, toi? Non, pas en Bavière. La Bavière, c'est l'Autriche. Ah, pardon. C'est Vienne, tout ça, c'est ça, oui, la Bavière. Oui, oui. Mais après, la Bavière, oui, ça rejoint jusqu'à l'Allemagne. Ça rejoint jusqu'à l'Allemagne. D'accord. Donc, voilà. Mais Dwarfst, ouais, j'aime beaucoup cette version. Ouais, c'est très cool. Ouais, c'est hyper agréable. Comme quoi, ça surprend la polka. Ok, et ça reclignote. C'est fou. Déjà ? Ouais. Bon, bah, on va écouter, là, qu'est-ce qui se passe ? On écoute ça. Allez. Salut Bibou, salut Bibounette, c'est Babar. Alors, jusque-là, j'allais vous dire, je suis heureux, je suis bonheur et tout, si vous imaginez, oh, tout va bien. Là, vos émissions, elles sont vraiment très chouettes, et le format Psycho, vraiment excellent, moi j'adore. Mais bon, ok, le Psycho Billy, c'est cool, moi j'aime bien, bon, le garage rock punk, ouais, ça fait plaisir, mais en vrai, vous savez très bien ce que l'on veut. On veut de la polka. Plus de polka, toujours plus de polka dans l'émission Psycho. Allez, allez, plus de polka, encore. On veut de la polka, on veut de la polka. En espérant que vous entendez mes réclamations, mais je vous fais quand même de gros bisous. On a entendu, mon cher Babar. On a entendu. Merci, Babar, de Beside Game. Beside Game et de Beside Zik. Et Beside Zik, tout à fait. Mais voilà. Merci beaucoup d'avoir pris la peine de nous envoyer ce petit message. Très belle émission, Beside Zik, que j'en profite un peu pour conseiller l'émission. Tout à fait. Qui fait un peu comme nous, mais en mieux. Oui. En beaucoup plus long, en beaucoup plus documenté. En beaucoup mieux. Oui, oui. Voilà. Et en plus, avec des gens formidables. Bah, avec Yeti, en fait. Ouais, avec Yeti. Et puis, l'autre jour, lundi soir, on est tombé aussi sur. Leur test à eux avec Baba, il y avait Yeti, il y avait Sushi et oui sur le Twitch, étaient... ouais. Oui, sur le Twitch. Stream tous les lundis soirs. Ils stream tous les lundis soirs et c'était franchement c'est une super équipe là tous les trois. Ouais. C'est vraiment hyper agréable. On leur fait plein de gros bisous. Oui, et... allez les écouter l'équipe de Beside Game parce c'est que franchement podcast Beside jeux vidéo du coup j'ai voilà. oublié de le dire. Beside Game, Beside Musique, allez les écouter les amis parce que franchement ils s'y connaissent aussi en musique et pas que en psycho, en garage. Il y a aussi Yeti spécialisé en quand même en rap, en tout ça. Donc franchement, c'est, allez un peu les... c'est un peu le gangsta de la bande. C'est le gangsta. D'après rap. Ce que j'ai compris, c'est un peu le gangsta. C'est quoi. Le gangsta. Ouais, ça m'étonne. Le gangsta normand de la bande. Le gangsta normand. Bah oui, ça doit exister. Écoute, je sais pas. Il en faut partout. Il en faut partout. Hein. Il y a des gangsters alsaciens. Ah ouais, ouais. Alsace pour Frey, hein, t'imagines même pas. Ah, je sais pas quand tu dis ça. Ah là là. Mais en tout cas, oui, Babar, on t'a entendu. Ouais. Bon, merci beaucoup et t'inquiète, tu vas en avoir de la polka. Mais pas celle que tu imagines, pas la traditionnelle polka. Non, non, non, parce que là, on va passer un petit morceau d'un groupe qui s'appelle The Dreadnoughts. D'accord. Donc, qui est un groupe de folk punk canadien originaire de Vancouver. Ok. Et formé en 2007. On va être un petit peu plus dans la musique celtique. Ok. Parce qu'on voit que la musique polka est assez large, en fait, quoi. Au niveau des influences, on va retrouver des groupes comme les Pog, Dropkick Murphys. Tiens d'ailleurs, donc. Tu vas voir que ça rappelle énormément les Dropkick Murphys. Gogol Bordello, qu'on a écouté juste avant, et Goran Bregovic. Ah, super. Voilà. Pour être honnête, dans la playlist, c'est mon groupe préféré, en fait. C'est ton petit chouchou, quoi. Ouais, c'est mon petit chouchou, ouais. Alors, si ça te va, on va écouter le morceau Poutine des Dreadnoughts. Rien que le nom de la chanson, ça envoie du pâté, quoi. Ça envoie du pâté. Poutine, quoi. Sur l'album Polka's Not Dead, qui d'accord. sera sans doute le titre de l'émission, mais Brunette, je ne te le cache pas. Ah, peut-être. Why not? Je suis plutôt d'accord, Bibouch. Album de 2010. Et allez, on s'écoute ça tout de suite. Poutine. I'm a rover, American, a pair of green eyes, 5'10". It was to be my final dance. I rambled over La Belle Province, Montréal, Rimouski, Repentigny. To go along the mighty Saguenay, we ended up a shame of me. Has just begun. I pack it in. I take the vow. If I have friends, I need them now. But when the sun falls in the west, I'm in the arms of a perfect mess. My only weakness, my only sin. God can't help the state I'm in. Poutine, poutine, poutine, poutine. Je t'aime mon frère. Poutine, poutine. C'est ça ou rien. Poutine, poutine, poutine, poutine, poutine, poutine. j'ai tellement faim. Poutine, poutine. J'ai tellement faim, je veux une poutine. Mais oui, et t'as mangé une poutine il n'y a pas longtemps en plus, toi. Ouais, bah, on en avait mangé une ensemble que t'avais pas aimée, parce qu'en fait, alors je vais expliquer pour ceux qui connaissent pas, la poutine, donc c'est un plat canadien, qui vient donc du Québec, et donc en fait, c'est une sauce brune québécoise, et dedans, t'as des du fromage en grains blancs, donc c'est vrai que toi, t'avais pas trop aimé, et moi, j'en ai recommandé une, là, parce qu'ils ont été élus meilleure poutine de France, bah, en plus, ils sont à Rennes, ah oui, ils s'appellent Poutine Brosse, et franchement, si vous voulez une poutine à Rennes, poutine brosse, direct. Parce que franchement, même Julien, il a regoûté, il a dit « Ah ouais, bah, la prochaine fois, je vais quand même me laisser tenter. Hein. » Ils font des super burgers en plus. Et ils font des super burgers et on retrouve cette sauce brune québécoise dedans. Ouais. Donc non, commandez avec les yeux fermés, quoi. Mais comment ils déchirent ? Ouais, c'est cool. Ouais, ça envoie du pâté, quoi. Ouais. Ça envoie du pâté. C'est à mon tour d'avoir choisi un petit groupe. Et oui. Et j'ai choisi Korpiklaani. D'accord. Korpiklaani, en fait, c'est un groupe de métal folk finlandais. Ok. Ils sont originaires donc de Lahti, en Finlande. Ok. Ils ont fondé leur groupe en 1993. Donc, tu vois, ils sont pas non plus récents. C'est pas mal de groupes récents, ce qu'on a en fait. Hein. Ouais. Leur musique donc fait appel à un mélange de heavy metal, d'instruments folk et d'instruments traditionnels issus du Oompa. Alors, les textes parlent essentiellement de la fête de la forêt finlandaise et de ses légendes, mais aussi des fêtes arrosées de bière. Ah, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est eux. Il est important pour le groupe, en fait, c'est ce lien avec la nature et les femmes. Il faut savoir aussi que Korpiklaani, ça signifie le clan de la nature en finnois. D'accord. Voilà, donc moi j'aime beaucoup. Je savais, mais tu savais, mais tu osais pas le dire. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, c'est un groupe que j'apprécie pas mal. Donc, on va s'écouter Yevan Polka, qui vient de leur album Manala, sorti en 2012. Et c'est parti. Bonne écoute. Kiehlat aitaa, kun myötän sitä laajata laitaa. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. c'est un groupe que j'aime beaucoup. J'ai vu leurs vidéos YouTube. Ils ont pas mal de vidéos et franchement, ils dépotent. Et... Ouais. Bon, c'est vrai que moi, j'aime bien le métal. Donc, Moi, pas trop, mais j'avoue que là, ça passe un petit peu. Ouais, mais ils ont d'autres chansons. Franchement, ça envoie vraiment, vraiment du lourd. Et je me régale quand... Mais ouais, c'est un groupe que j'ai mis dans ma playlist Spotify pour écouter ça, parce que c'est vraiment bien en fait. Ouais, non, ta liste tut, on ne fait pas de pub. Ah oui, mais on n'arrête pas de faire de la pub depuis tout à l'heure. Donc, ouais. Ouais, c'est vrai, de chez Tutut, pas de marque. Et ça clignote encore. Putain, ça clignote encore. C'est pas possible. J'espère que ça va être un message un petit peu hors du commun. Ouais, ouais. Bah, écoute, attends, je lance. Vas-y. Salut Bibounette, salut Bibou. Bon, bah vous êtes pas là, j'aurais bien voulu vous parler, mais bon, je vais vous laisser quand même un petit message. Votre émission est très bien, mais voilà, je m'insurge un petit peu parce que, en tant que porteuse de la tenue officielle de mascotte de chez Bibou et Bibounette, eh bah moi, je trouve que dans votre émission, il n'y a pas assez de polka. Bah ouais, enfin, je veux dire, la polka, c'est quand même essentiel. Moi, avec ma tenue, je peux pas aller partout, donc bon, je trouve que de la polka, ce serait quand même pas mal. Bon, bah voilà, j'espère que vous saurez y remédier. Je vous embrasse, gros bisous à vous deux. Ah bah voilà, copine. Gros bisous, Evan. Bisous, Evan. Oh, ça fait... Tu vois, quand je te disais que j'attendais un message un petit peu hors du commun. Une fille. Mais oui. Une copine. Et pas n'importe quelle. Et Evan. Pas n'importe quelle. Podcast, ça va trancher. Exactement. Enfin, dans plusieurs podcasts, mais... La grande fan tentaculaire. Merci beaucoup pour ton... Bah, du coup, oui, on a entendu toutes les réclamations. Toutes les réclamations, ouais. Oui. On essaye de mettre de la polka, mais comme tu as entendu depuis le début de l'émission, on met de la polka pas trop traditionnelle. Hein. Mais c'est pas grave, garde ton costume, il te va tellement bien. Oh oui. Oh oui. Et continue de porter tes chopes de bière comme tu les portes si bien, tu vas être prête pour l'Oktoberfest. Oui. Merci beaucoup pour le petit message, ça fait merci, super plaisir. Merci Révan, et plein de caresses à HK. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir s'écouter ? On va écouter un peu de musique encore. Mais oui, mais oui. On va s'écouter du Yankovic. Ah, ça va te plaire, ça, je pense, Revan. Oui, je l'ai fait un petit peu. Ouais, ouais, ça va te plaire. Toutes les chansons sont un petit peu adaptées, vous allez voir ça. On va quitter un peu les groupes sérieux et on va partir sur un chanteur qui est, un chanteur humoriste un petit peu d'accord. plus. D'accord. Qui s'appelle Yankovic, qui vient de Yougoslavie. D'accord. Donc, qui est chanteur, humoriste, acteur et accordéoniste, né en Californie. La Yougoslavie qui n'existe plus. Non. Oui, bah oui. Non, avec mais tous les problèmes qu'il y a là-bas, à l'Est. Ouais, ouais. Oui. Donc, il vient de Californie. Voilà, c'est quelqu'un qui a été 9 fois au Grammy Awards. Ah oui, quand même. Et qui en a rapporté 3. Ah d'accord. Ainsi que 4 disques d'or et 5 disques de platine. Eh bah, ben dis donc. En fait, c'est quelqu'un qui fait plutôt de la musique parodique. D'accord. Et quand je faisais ma playlist, j'ai recherché des morceaux, je me suis rendu compte que je connaissais ce mec, en fait, quoi. C'est pas le mec qui travaillait avec Michael Jackson ? Alors, en fait, c'est quelqu'un qui a fait des parodies d'énormément de chanteurs que la plupart d'entre vous connaissent, je pense. Il a parodié, bah, du coup, Michael Jackson, Nirvana. Oui, ok. Il a fait une parodie de Coolio, Gangsta Paradise, qu'il a appelé Amish Paradise. Amish Paradise. Et c'est juste génial. Amish Paradise. Et c'est un musicien de fou qui met autant son talent pour faire des super clips de parodiques de ce qu'il fait qu'à sa musique. Donc, je te propose de passer directement au morceau que je te propose. Ah bah carrément. Qui s'appelle Bohemian Polka. Ah, excellent. Tu vois très bien où je veux en venir. Tout à fait. De Yankovic sur l'album Alapalooza de 1993. Ah bah on y va, avec grand plaisir. Allez. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. Wait, I need no sympathy. Easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me, mama just killed a man. Put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gotta throw it all away. Mama, ooh. à fond, c'est génial. Trop bien. C'est génial. Franchement, il est trop fort. Alors, tu sais que moi, je suis pas un énorme fan de Queen. Ouais. Ni un énorme fan de la musique bohémienne. Rhapsody, ouais. Enfin, ouais, ouais. La chanson de Queen, quoi. Je peux concéder que c'est une musique incroyable. Mmh. Mais t'es pas fan. Ouais, bon, bah, après, voilà, après chacun, mon avis, chacun, voilà. Ouais. Mais je trouve que ce mec-là a fait une reprise mais folle de ce morceau, quoi. C'est vrai qu'en plus, quand c'est tu... C'est hyper bien produit, quand c'est... Ouais, quand tu connais les paroles de Bohemian Rhapsody et la vitesse à laquelle lui les chante... Puis c'est un morceau compliqué, en fait. Hein. Exactement, mmh. C'est exactement ça. Et, mais vraiment, elle est super belle et vraiment bravo, quoi. Beaucoup de talent, ce jeune garçon. Beaucoup d'avenir. Oui. J'espère qu'il sera récompensé pour son travail. Ah, trop bien, en tout cas. Trop bien. Eh ben moi, je vous ai choisi, pour continuer, je vous ai choisi un petit morceau de Felix and the Cats qui s'appelle Polka Punk. D'accord. Je ne vais pas trop m'attarder sur Felix and the Cats, alors pour la simple et bonne raison que, qu'on ne trouve rien. Et c'est vrai, pour avoir fait même moi des recherches, voilà, c'est très compliqué. Voilà, et j'ai pas envie de raconter n'importe quoi sur eux. La seule chose que j'ai trouvée sur eux, c'est qu'ils ont fait 3 albums. D'accord. Il y en a un qui s'appelle Mindo Subterrano. Le deuxième, c'est Exitos de Colección. Ok. Et le troisième, c'est En la Rueda de la Fortuna, la route de la fortune. D'accord. Mais j'ai pas envie de m'attarder sur l'origine du groupe, quand est-ce que... parce que je vais pas l'inventer. Donc, ouais, voilà. Pas de problème, mais on est pas donc là on pour va s'écouter Polka Punk, qui vient de l'album Mundo Subterrano de 2013. T'as un très bel accent. Oui, Subterrano. Ouais. C'est. Allez. Tu préfères cet accent-là ou ça va, bébouche? Oh, j'aime bien son accent aussi. Bon, allez, on s'écoute allez, ça. Allez, Polka Punk. À tout de suite. Te ocultas ça fait du bien, hein. Ça débouche les artères tout ça. Hein. Ouais, c'était cool. Ouais, la polka qui débouche les artères. Mais en fait, c'est marrant, ça mélange. Ça décrasse. Ça mélange beaucoup de genres différents en fait, quoi, de musical quoi. Ouais, il y a de la, bah, y a de la polka, enfin de la musique folklorique, il ouais, y a ouais. du ska, il y a du punk. Y a, ouais, y a... le mélange est plutôt cool. Ouais, c'est carrément. Bien. Moi j'aime beaucoup. J'ai Felix and the Cats, polka punk, ouais, j'apprécie beaucoup. Ok, cool. Ouais. Merci. J'aime bien ce petit mélange qu'on retrouve de, bah, qu'on retrouve dans le ska en fait, le ska punk tout simplement. Quoi. Carrément. Ouais, ouais. Ça clignote. Hein. Eh mais oui. Qu'est-ce qu'on fait ? On l'écoute maintenant ou on attend encore un peu ? Ça non, on l'écoute. Hein. Ouais, on va l'écouter. On va l'écouter. Mais attends, les gens se prennent la peine de nous appeler. On écoute quoi. Ben oui. C'est pas Jean-Louis. Non. Allez, on écoute ça. Salut, c'est Gauthier. Vous pouvez me retrouver dans le podcast. Ah bah non, en fait, je suis qu'un poditeur parmi les centaines de millions qui écoutent Bibou et Bibounette. Vous m'avez demandé 30 à 40 secondes sur un polka sans nous préciser quel polka. La page Wikipédia me propose 11 homonymes, donc comme je suis dans le secteur de la restauration de monuments historiques, je choisis de vous parler de l'outil du tailleur de pierre. La polka, aussi appelée marteau polka, est un outil à percussion directe, surtout utilisé au Moyen-Âge. Bon allez, fini les conneries, faudrait pas non plus croire que je suis prêt à aller jusqu'au bout de la blague. Je vais tuer le rythme de l'épisode, ça serait con. Pour moi, la polka n'était juste qu'une chanson pour enfants où un père ne veut pas que son gamin fasse de la danse. Quel con ce mec, franchement, laissez-les vivre ces gosses. Je vous laisse avec Bibou et Bibounette et amusez-vous bien pour la fin de cette émission. Oh yes ! Merci beaucoup, Gauthier. Merci, Gauthier ! En plus, on s'instruit. Un petit peu de un peu de culture, dans bordel de merde. Personne, ouais. Voilà, un marteau. La polka est aussi un marteau dans oui. la restauration de monuments historiques. Bah voilà, c'est un outil en fait. Donc, oui, tu mais vois. Ça tu le savais pas avant que Gauthier te le dise. Et bah voilà, donc on dit et quoi ben ouais, on dit merci Gauthier. Merci beaucoup pour le petit message. Ouais. Alors le Gauthier, vous le connaissez peut-être sur Twitter. Ah, vous le connaissez certainement, mais même c'est sûr, c'est Gauthier. Alors son pseudo, c'est Gauthier276pods. Voilà, et il écoute, mais je ne sais pas combien d'heures de podcast à la semaine. Mais ce qui est génial, c'est qu'il les partage avec un petit commentaire à chaque fois. Exactement. Et moi, c'est une très bonne façon de découvrir énormément de podcasts. Grâce à Gauthier, ouais. Grâce à Gauthier, et c'est génial. En tout cas, merci beaucoup Gauthier pour tout le travail que tu fais. Ouais. Parce qu'en fait, mine de rien, c'est aussi un travail d'écouter plein de podcasts et donner envie aux autres qui n'ont pas forcément bah, le temps, il prend du temps de donner un retour aux autres et c'est cool quoi. Ouais, et on te remercie aussi parce que bah, mine de rien bah, tu nous suis depuis le début et t'as toujours été là pour nous et puis t'as même pris le temps pour une première parce que c'est ta première fois de l'autre côté du micro donc bah, merci beaucoup. Et c'est un plaisir de t'avoir dans l'émission. Vraiment, exactement. Ouais. Donc petite dédicace à Gauthier, on a choisi une petite chanson. Et oui. Oui, alors celle-là elle était quoi Gauthier ? Elle est pour toi. Oui, exactement. Alors, il faut que j'arrive à le dire. Ah, c'est vrai que le nom du groupe est un petit peu... Non, je vais tu vas y arriver. Je m'entraîne à parler russe depuis 2 semaines, donc je pense que... T'es pas trop mauvais. Oui, on va s'écouter The Heimat Damisch. Eh bah, tu vois. The Heimat Damisch, qui était un groupe de rock bavarois. Eh bah, voilà. Donc, pas allemand. Non. Autrichien. Bah, j'ai appris un truc pendant l'émission. Ça la Bavière, il y a une partie en Allemagne, en fait. Il y a sous le Bayern de Munich, en fait. Ça fait partie de la... C'est une Bavière, mais il y a la Bavière allemande et la Bavière autrichienne. En fait, il y a 2 sortes de Bavières. Bah, moi, j'ai pas grandi là-bas. Oh, ça va, je vais pas faire l'histoire non plus. Il y a la reine d'Autriche aussi. Oui, oh, ça, oh va. Ça va. Donc, c'est un groupe un peu spécial. Pourquoi j'ai écrit ça ? Pas forcément. En fait, c'est pas vraiment un groupe parodique, mais c'est d'accord. un groupe qui refait des parodies de chansons célèbres, en fait, quoi. Donc, souvent, ils reprennent, par exemple, du AC/DC, du Joe Cocker ou, dernièrement, du Lady Gaga. Ah oui, on avait vu une... Ils n'avaient pas repris Poker Face. Si, exactement. Voilà, ouais. C'est la chanson qu'on avait peut-être envie de mettre dans l'épisode qu'on et puis on a mettre... fait, ouais, non, ouais. pas Lady Gaga. En fait, leur truc à eux, c'est de reprendre des morceaux connus comme ça, mais de les transformer en version polka. Ah, ça va te plaire, Gauthier, ça va te plaire. J'avoue, bah, je dois avouer que c'est pas un groupe que je vais écouter tous les jours. Mais celle-là. Quand je l'ai entendue, je me suis dit... C'est la chanson de Bibouche et Bibouchka. C'est pas possible qu'on la mette pas. Allez, vas-y, on dira le nom après. Alors, ça vient pas d'un album, excusez-nous pour le son. Ça vient d'un live au Kurt Haus Bad Tolls. Toi qui as grandi en Allemagne, tu peux pas le lire. Tu peux lire ah, ça si, ou quoi c'est au live au Kurt Haus Bad Tolls en Allemagne. Ah, coup de fête. Coup de fête à Minoroul. Et après, on dira le titre de la chanson, mais même si vous allez le découvrir très rapidement. Ah, je pense qu'on. Hey, tu sais quoi, on a même pas besoin de non, dire le titre de la chanson. Non, on dira pas le titre de la chanson. Vas-y, lance la chanson. Donc on s'écoute un live de Heimat Damisch qu'ils ont fait en juin 2020. Et on y va. Et qui fait bien ? Elle est pour toi, Gauthier. Mmh. in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? In your bag. Now who you gonna call? C'était pas trop cool. Mais si, c'était trop bien. Bon, alors du coup, maintenant, ça reclignote. Ça reclignote, effectivement. Alors juste pour finir sur le groupe là que je viens de passer. Ouais. D'après ce que j'ai vu, c'est des groupes mais vraiment qui font que des festivals, genre le. Bon, ça m'a fait un peu marrer, genre tu vois le festival de la bière de Hambourg, le festival de la Schlöpe à. Alors tu te moques pas du concours de la Schlöpe, hein, parce que nous on en fait en Alsace le concours du lancer de Schlöpe. Alors toi t'as des Schlöpe, tu devrais t'entraîner à faire le lancer de Schlöpe. C'est pas si facile que ça. Tu motivé à faire ça un jour. Lancer de Schlöpe, c'est pas si facile. Et en fait ils font que des festivals comme ça quoi, et bah évidemment ça cartonne. Ah bah tu m'étonnes. Mais c'était rigolo, c'était mais cool. Carrément, c'était trop bien. Ah là là, mais et oui tu me disais pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Je te disais que ça clignote. Tu me disais que ça clignote. Mais oui. Encore un petit message. Mais oui, encore un message. On le met ou quoi? Allez. Allez, on le met. On écoute. Hey, Bibou, Bibounette, c'est le docteur Zaius. Je voulais vous appeler pour vous remercier pour votre épisode sur le Mondo Bizarro, l'épisode de Psycho, le numéro 3. J'ai trouvé ça vraiment cool, déjà parce que vous avez passé des très bons morceaux, et aussi parce que moi, ça m'a rappelé quelques souvenirs, parce que, bien évidemment, moi, j'ai eu beaucoup moins l'occasion que vous de m'y rendre, parce que Rennes, c'est un peu loin de chez moi, mais j'ai déjà été pour plusieurs concerts au Mondo Bizarro, et c'est à chaque fois d'excellents souvenirs. Parfois je me rappelle plus des à côté que des concerts en eux-mêmes, hein, faut être sincère, mais à chaque fois c'est des souvenirs ensoleillés en plus, comme quoi, hein, les clichés sur la Bretagne. Donc voilà, merci pour tout ça. Par contre, si je dois être honnête, il faut quand même que je vous avoue qu'il y a un petit truc qui m'a un petit peu fait grincer les oreilles pendant votre épisode, c'est votre attitude vis-à-vis de la polka. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est parce que pour moi, être punk, le punk, c'est pas un genre musical. Être punk, c'est do what you want. C'est être le mouton noir qui court dans l'autre sens que la cohue. Pour moi, voilà, c'est ne pas rentrer dans des cases, c'est être intègre. Donc je pense qu'il doit exister des formations de polka qui sont bien plus intègres que tout un tas de punk de supermarché, là, dont j'ai rien à foutre. Donc je suis désolé, mais ça serait peut-être bien que vous répariez ça, quoi. Parce que punk, c'est pas ça, quoi. Donc, passez-nous de la polka, voilà. Fun, passion, polka, ok ? Ok, Zaius. Ok. Punk, passion, polka. On vient de se faire engueuler. Et par Zaius, quoi. Ouais. Attention, bizarre. Punk, passion, polka. Ouais. Les trois P importants dans la vie, quoi. Mais alors, merci beaucoup, merci beaucoup, Zaius, de t'avoir dans l'émission, mais c'est vraiment un gros cadeau que tu nous as fait. Et franchement, oui, alors c'est vrai que l'épisode du Mondo, ça a été un petit peu notre épisode, mais parce qu'on aimait beaucoup cet endroit, et en plus, on enregistre le 3 avril, et il n'y a pas de Rennes qui tourne en fond, mais c'est aujourd'hui le dernier jour du Mondo, donc voilà, goodbye Mondo Bizarro, et Punk is not dead, et Punk, passion, et polka, je suis entièrement d'accord avec toi. Et oui, les fameux 3P. Les fameux 3P, on n'en parle jamais assez. Et oui. Et je suis d'accord avec toi que voilà, il faut ne pas être le mouton, il faut être le mouton noir, mais le plus important, c'est d'être intègre et de suivre, mais ne pas suivre le troupeau. Ok. Voilà. Alors, Zaius, vous pourrez le retrouver dans Cornelius and Zira. C'est ça. Le podcast sur la planète des singes, que tout le monde connaît, évidemment. Évidemment. Et on peut aussi le retrouver pour la Hypelist, qui est aussi une émission musicale un peu comme la nôtre, mais en beaucoup, beaucoup mieux. Oui. Voilà, nous, on est vraiment mais tout en bas, en fait. Ouais, c'est pas grave. On s'en fout. Mais ouais. Nous, c'est Bibouche et Bibouchka. Nous, très contents d'être déjà mais podcast. Écoutez les émissions de Zaius, c'est carrément. Vraiment bien. Ils ont fait un épisode de Clerks en deux parties. Récemment, là. Récemment, ouais. Moi, j'ai écouté cette semaine, qui est vraiment très bien. Donc, à écouter, vraiment. Ouais. Et ben pour toi, Zaius, moi, j'ai sélectionné Ruskaya. Rock'n'Roll Today, ça c'est le titre de la chanson. Donc c'est un groupe de 8 membres et ils font du ska punk russe. D'accord. Ouais, ouais. Ils sont originaires de Vienne, en Autriche. Oui, ça va. Ils ont fondé bon. Leur groupe en 2005 et ils sont sous le même label que le groupe finlandais Korpiklaani, Napalm Records. Ah oui, ok, d'accord. Voilà. Le groupe définit sa musique comme du, attention, Russian Turbo Polka Metal. Ah oui, tout ça. Ouais, alors d'accord. C'est le groupe qui dit de sa musique, c'est du Russian Turbo Polka Metal. Du Turbo Polka, c'est trop bien. Attention, on va s'écouter un truc de fou. Voilà, ils ont fait 6 albums, mais on va s'écouter Rock'n'Roll Today, qui vient de l'album Pins Love and Russian Roll, qui est sorti en 2015. Enjoy. Just to forget, lose my head on dance parquet. I've been working like a dog, business all around the globe. Hungry kids, expensive life. Welcome to my life. Need my dose of rock and roll. Shake it like a wrecking ball. But all I hear is blipping blip, synthesizers popping swim. control is there. Time has come to bring it back. Banging heads and air guitar, crowd surfing from off the bar. Party time, just check your beer, 'cause this is why we're here. What about some Chuck Berry, Rolling Stones, AC/DC, anything with a screaming guitar in it, like this? Là, ça décrasse. Ce petit moment rockabilly, t'es au niveau, en plein milieu de le, ah, le petit, du morceau, le guitar, quoi. Là. Ouais, mais t'as eu une petite portion un peu rockabilly, un peu blues, un peu rock'n'roll, quoi. Ah. Ouais. C'est vrai qu'un. Et ce donc, petit c'était morceau, mais très bon morceau, ma bibounette. Exactement. Ouais. C'est, ça fait plaisir, en fait. Ouais, et ça décrasse. Ouais. Tu vois, bah, ça. Ouais, toujours. Ouais. Ça fait du bien. Alors j'espère que. Pendant ça, le. Excuse-moi. Non, j'espère qu'on a répondu à la demande de Zaius. Tu vois, punk, passion. Polka. Bah, si ça, ça lui suffit pas, je vois pas ce qu'on peut faire de plus, Zaius. Parce que là, il y a du punk, il y a de la passion. Attendez, on turbo. Il y a pas mal de passion. Turbo, ouais. Polka, metal, quand turbo, même. Ouais. Ah, turbo, ouais. Moi aussi, on ouais. On pas le mot turbo cité par le groupe, quand même. Ouais. Donc, ouais, là, on est en plein dans les critères recherchés par Zaius, quoi. Ouais. Ouais. Donc, c'était quand même le groupe Ruskaja. J'adore ce groupe. Ouais. J'adore ce groupe. tu me disais pendant le morceau, j'ai envie de pogoter. Ah ouais, j'ai envie d'une bonne soirée ska. Moi j'ai envie punk, de stomper. Quoi. Ouais, mais j'ai envie de pogoter. Ouais, ouais. J'ai envie de retrouver mon ska en fait quoi. Mm. J'ai envie de refaire des soirées ska et ça me manque grave quoi. Carrément. Je veux un vaccin pour aller en soirée ska. Mais oui, ma bibounette, ça va être la fin de l'émission. Mais oui, c'est déjà la fin. Mais on bon. Est à une heure, c'est très bien. Exactement. C'est cool. Merci à tous pour vos et à toutes. Pour une fois, je peux le dire, merci à tous et à toutes, à toi, Révan, d'avoir participé parmi tous ces hommes et de nous avoir envoyé un message. Franchement, merci beaucoup. Ben ouais. On remercie aussi Gauthier, Zaius, oui. Jean-Louis du Morbihan et Babar, évidemment. Et Babar de B-Side Game et B-Side ouais. Geek. Merci à tous d'avoir participé à cette émission spéciale Polka. Polka Punk, moi j'ai envie de dire, parce que Polka, oui, mais Punk d'abord. Qui partait, encore une fois, je le répète, d'une idée complètement à la con, d'une blague que j'ai eue et je oui, me suis mais... convaincu tout seul que ça allait faire une bonne émission. Bah, tu sais quoi, on y est, en fait, c'est pas mal. Je connais plein de choses qui sont parties d'une blague et qui durent encore, donc... C'est pas nous, j'espère. C'est vrai, c'est nous. Tu parles de quoi, du coup? Non, je parle de la demande de Pax. Bah, c'était pas une blague. Bah, t'étais un petit peu... Oh, c'était peut-être un peu une blague, je sais pas, je me rappelle pas. On en parlera hors antenne. Mais non, mais j'étais complètement sous, qu'est-ce que tu veux que je te dise. T'étais pas sous. Oui, bon, on en parlera. T'étais sous quelque chose, mais t'étais pas on sous. On en parlera pas maintenant. Voilà. Bon, bref, comme quoi, hein, les blagues, eh ben, c'est bien. C'est bien, c'est bon de rire. Mais quand ça dure, c'est cool. Et quand ça dure, c'est cool. Voilà. Je t'aime, t'as, Bibouche. Je crois même pas que t'aies parlé de ça. Quoi. Je t'aime, Bibouche. Mais moi aussi, je t'aime, Bibouchka. En plus, t'es tout en beauté ce soir. C'est moi qui dis ça normalement. Oui, mais toi, tu as eu plein de cadeaux déjà, donc c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et on remercie aussi nos poditeurs parce qu'il y en a plein qui voulaient participer ou qui ne pouvaient pas participer et qui nous écoutent quand même. Donc on remercie le B-Side Game, le B-Side Music, on remercie Yeti, on remercie Sushi, on remercie VL parce qu'il est toujours là. Il alors, nous VL écoute. Qui m'a dit dernièrement, ça manque de musique corse. Non, alors on va arrêter avec non, les non, délires de musique. Parce que les musiques. Non, on arrête. Je suis juste en train non. de dire. Et non, il n'a pas dit ça. On a reçu un message oui. comme quoi. Non. Non, mais c'est pas pour faire une émission, mais c'est possible, ça me travaille un peu. Non, non, non on non, arrête. Non, okay. on arrête. Mais merci aux poditeurs aussi. Ok. Parce qu'il y a quand même du monde aussi qui nous écoute. Donc merci, maman. Merci, Fiel. Ça fait deux. Ouais. Merci Bibou pour cette super émission. On va retourner regarder Podren. Écoutez ouais. Podren. Le temps qu'on finisse, on va se mettre un petit morceau. Ah oui. Est-ce que plus... j'ai besoin de le présenter Ah si, peut-être quand même. Quoi. Quand même. Pour on va s'écouter le morceau Pennsylvania Polka. Voilà, donc ils ont déjà trouvé ce que c'était. De Frankie. Oh, pas forcément. De Frankie Yankovic. Et ça vient de Du film Un jour sans fin. Et évidemment. Voilà. Bon, bah, passez une bonne fin de journée. Oui. Un bon moment. Enjoy. Et puis bah à bientôt. Bah à bientôt. À bientôt mon bibou. À bientôt bibounette. Des bisous. Salut. Des bisous. Je vais manger une galette saucisse pour pas de reine. Oh oui moi aussi. Allez à bientôt.